Est-ce que vous m'entendez maintenant? Super. Je voudrais souhaiter aussi la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui et vous souhaiter bonjour, le bonjour. J'espère que ce jour, cette journée sera bonne. En tout cas, nous voulons la commencer par la parole de Dieu et par le partage de cette parole. Alors, vous le savez, depuis quelque temps, on a commencé même, on continue. De voir une série de prédications sur l'évangile de Luc. Et je voudrais vous convier ce matin à ouvrir la parole de Dieu, votre Bible, si vous en avez, sinon écoutez la lecture, dans l'évangile de Luc au chapitre 6. Évangile de Luc au chapitre 6, des versets 20 au verset 36. Jésus regarda alors ses disciples et dit: Heureux vous qui êtes pauvres, car le règne de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous aurez de la nourriture en abondance. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous si certains vous haïssent, s'ils vous rejettent, vous insultent et disent du mal de vous à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous quand cela arrivera et sautez de joie, car une grande récompense vous attend dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leurs ancêtres maltraitaient les prophètes. Mais quel malheur pour vous qui êtes riches, car vous avez déjà votre bonheur. Quel malheur pour vous qui avez tout en abondance maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans la tristesse et vous pleurerez. Quel malheur pour vous si tout le monde dit du bien de vous, car c'est ainsi que leurs ancêtres agissaient avec les faux prophètes. Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne lui refuse pas non plus ta chemise. Donne à quiconque te demande quelque chose, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne le réclame pas. Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, pourquoi vous attendre à une récompense particulière? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendront, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Des pécheurs aussi prêtent à des pécheurs pour qu'ils leur rendent la même somme. Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espérer recevoir en retour. Vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les enfants du Dieu Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté. Jusqu'ici s'arrête la parole de Dieu. Il est où le bonheur? Il est où? Vous connaissez certainement ce que dit Christophe Maé dans sa chanson. Alors, c'est une question philosophique, il le dit avec une voix éraillée, un peu comme la mienne ce matin. Ce à quoi, après avoir posé cette question en chanson, souvent les banquiers ont l'habitude de répondre que le bonheur est dans le pré. Alors, le texte de l'évangile que nous avons lu ce matin ne répondra pas à cette question philosophique qui taraude quelque peu l'humanité depuis toujours. En tout cas, il n'y répondra pas de la manière dont nous l'entendons. Il y a dans ce texte à la fois un encouragement, une exhortation et un modèle à suivre. Un encouragement, une exhortation, un modèle à suivre, ou plutôt une source d'inspiration. Voici en quelques mots le programme auquel je vous convie ce matin. Mais avant de voir plus en détail, je pense qu'il est toujours nécessaire de considérer le texte dans un contexte plus large. Alors, on a souvent comparé et opposé d'ailleurs le discours de Luc, le discours que Luc nous rapporte dans son évangile, au sermon sur la montagne qui est contenu dans l'évangile de Matthieu. sermon sur la montagne, sermon dans la plaine, qui a copié sur qui. J'ai une petite idée, mais ce n'est pas ce qui va nous occuper aujourd'hui. Alors, si le discours de Matthieu est plus long et plus détaillé, celui de Luc, vous l'avez remarqué, on n'a pas tout lu, mais il est beaucoup plus ramassé. Et lorsque quelques versets simplement suffisent à Luc pour dire sa pensée, alors que Matthieu, lui, a besoin de 3 chapitres. Alors, dans la pseudo-compétition qui oppose ces deux textes, nous le savons, le plus populaire des deux est certainement celui de Matthieu. C'est celui aussi qui est le plus commenté. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on préfère la montagne à la rase campagne, ou bien si parce que de façon naturelle, on est aimé à porter ce qui a du relief, ce qui nous élève, à ce qui est plat. Ou alors, c'est peut-être parce qu'on nous dit que l'air est certainement plus vivifiant à la montagne qu'en plaine. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on préférera toujours un discours qui tombe à pic à un discours qui tombe à plat. Alors, on ne va pas aujourd'hui se risquer à comparer ces deux textes et à jouer au jeu des 7 différences afin de départager qui, en fait, de Matthieu ou de Luc a raison. Mais je doute que Luc, avec la précision qu'on lui connaît, se soit trompé à ce point. Et même si ces discours ont des similitudes, il s'agit bien ici de 2 discours complètement différents. C'est la Galilée, nous le savons, qui sert de décor au discours de Luc. Après son discours sur le sabbat et la guérison de l'homme paralysé, à la main paralysée, ce même jour du sabbat, le Christ vient de passer toute une nuit à prier sur une montagne pour choisir ses apôtres. Remarquons au passage que c'est la seule montagne du discours. Alors, une foule cosmopolite qui est venue de très loin, de Judée, de Jérusalem, mais aussi de toutes les villes païennes de la côte de la Palestine de l'époque, se presse autour de Jésus. Alors, leurs motivations sont diverses. Certains viennent pour l'entendre, pas forcément pour l'écouter. D'autres sont là pour être guéris ou délivrés. En tout cas, ils sont tous là pour recevoir quelque chose du Christ. Alors, on ne sait pas, le texte ne le dit pas, s'il y avait des lépreux, des paralytiques, mais ce qui m'interpelle, c'est que cette foule cherche à le toucher, à toucher Jésus, sans que celui-ci ne les rejette. Alors, il n'est pas question ici de pur ou d'impur, mais d'une foule qui le touche. Et le Christ se laisse toucher sans opposer la moindre résistance. Il se laisse toucher par cette foule touchante qui se presse autour de lui pour une foule de motifs tout aussi touchants les uns que les autres. Combien de touchés intéressés, ce jour-là, combien de guérisons, personne ne le sait. Personne n'en a fait le décompte et Luc, d'ailleurs, ne le rapporte pas. Mais ce qui est intéressant ici de voir, c'est que malgré la foule qui le presse, malgré les motivations si personnelles qui nous poussent, nous aussi, si souvent à toucher le Christ, il reste accessible, il est touchable, il consent à être touché, et vous l'avez compris, au sens propre comme au sens figuré. Même si au départ, les intentions de la foule, comme les nôtres, sont personnelles. Lui, Jésus, il guérit, il sauve, toujours. Et il le fait toujours copieusement, abondamment, généreusement. Il use, comme nous l'avons lu, de cette force qui lui est propre, sans compter, parce que la détresse de l'humanité le touche. Alors, il faut comprendre cette bousculade comme une préparation au discours qui va suivre. Sans doute qu'au départ, cette foule ne voulait-elle que toucher le manteau de Jésus. Je fais allusion à ce que nous avons lu. Mais le Christ s'est laissé prendre son manteau. Il est allé au-delà du manteau. Il est allé au-delà de la demande initiale. Il a surpassé cette demande en cédant, en quelque sorte, aussi sa chemise, comme nous le rappelle le texte au verset 29. Exagération, exubérance, surabondance des gestes de grâce, que nous sommes appelés à reproduire parce que nous l'avons lu au verset 40, un disciple n'est pas supérieur à son maître. Alors Jésus ne condamne pas cette foule, quelles que soient ses motivations. Il n'attend pas que cette foule lui donne en premier. Il donne encore et toujours, sans rien attendre. Il sait que cette foule ne lui rendra probablement jamais ce qu'elle attend de lui, ce qu'elle reçoit de lui. Mais au fait, qui lui a donné quelque chose le premier pour recevoir de lui un paiement en retour, dira Paul. Comme cette foule, nous aussi, nous serons toujours débiteurs de cette grâce, nous ne pourrons jamais la rembourser. Parce que nous nous sommes arrimés à cette grâce comme à l'encre de nos âmes, comme une grâce qui ne nous appartient pas. Mais la recommandation est là, et nous l'avons lue, donne à celui qui ne peut te redonner. Et si quelqu'un se saisit de la grâce comme d'un objet, comme quelque chose qui ne lui appartient pas, fais comme moi, nous dit le Christ, ne la lui réclame pas. Il y a une abondance en Jésus, une hyperabondance de grâce et de générosité, dira Paul dans son épître aux Romains, et il n'est pas question ici d'une abondance de paroles, mais d'une abondance du cœur. Le Christ est comme un arbre bon qui porte des fruits bons, des fruits de bonté et gratuits. Il les tire de son trésor intérieur, de cette abondance de cœur, de cette compassion qui le pousse à aimer. C'est pour cette raison qu'il ne juge pas. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Alors il exhorte ses disciples, il nous exhorte, ne portons pas de jugement. Cet incident avec la foule, si anodin, si banal qu'on a tendance à le zapper, et l'expérimentation de tout l'enseignement que le Christ développe à partir des versets 7 jusqu'à, du 27 pardon, jusqu'à la fin du chapitre. Mais ce n'est pas pour autant à la foule que le Christ adresse ses paroles, mais à ses disciples. Et le texte nous dit, Jésus regarda alors ses disciples et dit, j'ose à peine imaginer l'intensité de ce que peut être le regard du Christ qui se poserait aussi sur moi. Alors ce matin, le Christ nous regarde. Le Christ te regarde. Il pose les regards sur toi. Alors ne résiste pas à ce regard et laisse-toi regarder par le Christ. Ici, le texte nous dit que c'est sur ses disciples que le Christ pose son regard. C'est à eux qu'il s'adresse en posant sur eux un regard de grâce, un regard de compassion. Ce sont eux aussi, ce sont les disciples qui ont touché le Christ. Comment ? Ben, par leur engagement à tout laisser pour le suivre. Et il est temps, il est maintenant grand temps, à présent, que le Christ leur adresse une parole faite pour eux. Mais curieusement, vous l'avez remarqué, c'est depuis la plaine, c'est depuis le plat, nous dit Luc, que Jésus leur parle. Alors, est-ce que c'est encore une erreur topographique de Luc ? Ou bien y a-t-il une intention pédagogique derrière tout ça ? Alors, nous le savons bien, c'est bien souvent depuis la plaine, depuis l'endroit le plus plat de nos existences, je dirais depuis l'électrocardiogramme le plus plat de nos émotions, de nos envies, que le Christ choisit de nous parler. C'est dans la vallée. Et l'Écriture dit dans ce psaume bien connu que c'est dans la vallée de nos pleurs que l'Éternel est avec nous. Alors que dit-il à ses disciples ? Je l'ai dit au début, il les encourage et il les exhorte. Alors je mets volontairement ces deux points en même temps et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Alors, à l'inverse du discours de Matthieu, qui ne prononce, vous l'avez remarqué, vous en souvenez, que des béatitudes, le Jésus de Luc se différencie de celui de Matthieu en insérant quatre paroles de malédiction qu'il adresse aux riches et qui font suivre quatre paroles de bénédiction. Alors, je pense que vous serez d'accord avec moi Il y a peu de chances, mais vraiment une chance infinie que les Bernard Arnault, les Elon Musk, les Jeff Bezos, enfin les riches de l'époque, comme les riches d'aujourd'hui, aient accès à ce texte. Alors que fait Jésus dans ce passage ? Est-ce qu'il est en train de distribuer des bons points aux uns et des mauvais points aux autres ? Est-ce qu'il renvoie dos à dos les deux parties de la population en adressant des félicitations aux pauvres et des reproches aux autres ? Est-ce que Jésus exalte la condition de la pauvreté en fustigeant les riches ? N'y a-t-il pas, dans les paroles du Christ, un brin de provocation lorsqu'il affirme qu'être pauvre peut être une cause de bonheur. Mon intuition, et on pourra en discuter, mon intuition est que lorsque Jésus pose les regards sur ses disciples, il s'adresse à tous ses disciples, qu'ils soient pauvres ou riches. Il parle à de vrais pauvres et à de vrais riches qui ont décidé de suivre le Christ. On le sait, Luc le rapporte qu'il y avait beaucoup, il y avait pas mal de disciples pauvres qui suivaient Jésus. C'est à eux, premièrement, que le Christ annonce la bonne nouvelle, comme nous le lisons, dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Il m'a choisi pour son service afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Mais il y avait aussi des personnes aisées, des femmes en particulier, qui l'assistaient de leurs biens. On lit ça dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Zachée, on le comprend, rejoindra la troupe plus tard, on le sait, on le comprend, après avoir distribué ses biens aux pauvres. Et avec un peu de chance, le jeune homme qualifié de riche, s'il consent à changer d'attitude, suivra le Christ et se joindra aussi à cette troupe. Et lorsque de son côté, Matthieu dit et déclare « Heureux les pauvres en esprit », il spiritualise la pauvreté en quelque sorte. Et nous sommes beaucoup plus réceptifs à cette pauvreté-là. La pauvreté spirituelle, c'est commode en fait, parce qu'elle nous dédouane de nos responsabilités présentes, parce que le spirituel, quoique réel, n'est pas tangible. Alors lorsque le Christ regarde ses disciples en leur adressant une parole, il ne dissimule en rien la réalité qui est la leur. Suivre le Christ, être disciple, marcher à sa suite, appelons cela comme nous voulons, ne nous met pas à l'abri de la difficulté de manière systématique, même dans les pays réputés les plus riches. Il les déclare heureux, mais en faisant cela, il n'exalte pas la pauvreté. Il ne dit pas qu'être pauvre, c'est le top, et il ne béatifie pas non plus la misère humaine. Alors, ne confondons pas les termes. Lorsque Jésus ici prononce une bénédiction, parce qu'une bénédiction est toujours orientée vers l'avenir, alors qu'une béatitude est une parole qui nous ancre dans un présent dans lequel Christ nous dit heureux, dans lequel il nous félicite d'avoir fait le bon choix, le choix de le suivre. Quant aux riches, mon point, vous l'avez compris, c'est que lorsque Luc écrit, il écrit un évangile a posteriori. Luc s'adresse en fait à une communauté de disciples qui cherchent à vivre dans le temps présent ce qu'est le royaume de Dieu. Une communauté composée de personnes de toutes sortes, de toutes origines, des païens et des juifs, mais des personnes aussi qui sont une communauté qui est composée de personnes pauvres et de riches. Une communauté qui est appelée à continuer ce que le Christ a commencé dans le temps présent. J'insiste, parce que seul le présent est important aux yeux de Luc. Deux exemples, on les connaît. Lorsque le jeune homme riche s'approche du Christ pour le questionner au sujet de la vie éternelle, de la vie au-delà, de la vie après la vie, Jésus le fait redescendre de sa montagne. Il le fait redescendre dans la réalité du présent. La vie éternelle, il dit en somme, la vie éternelle, ce n'est pas demain. La vie éternelle, c'est maintenant. Le royaume, c'est ici et maintenant. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et suis-moi. Dans le livre des Actes, Luc, c'est le même auteur que l'Évangile, on le sait. dans le livre des Actes, Luc va condamner à mort la fausse générosité d'Ananias et de Saphira, tout comme il va s'opposer à cette idée que l'on peut acheter l'Esprit, que l'on peut acheter le Saint-Esprit en réprimandant Simon le magicien. Ceci étant, je crois que nous ne pouvons pas entendre le malheur des riches dont parle le Christ comme une malédiction à l'encontre des riches en général et du grand capital qui exploiterait les petites gens. Les riches dont il parle sont à l'image de la parabole de Lazare et du mauvais riche, dont parle le même évangile, où le riche est mauvais non pas à cause de sa richesse, mais parce qu'il n'a pas saisi dans le temps présent l'opportunité de faire du bien autour de lui. Et remarquons que le Christ ne ferme pas définitivement la porte du changement. Il ne les enferme pas dans une malédiction définitive. Mais c'est par un soupir qu'il s'adresse à eux. C'est par un soupir. Ce mot-là, il peut être traduit par « quel malheur », mais on pourrait mieux le traduire en disant « hélas ». Quel dommage. Quel dommage de passer à côté. Alors le Christ ne juge pas, il ne condamne pas non plus, mais il lance un appel, un soupir de grâce. Alors frères et sœurs, il avait raison de nous interroger, le chanteur, il est où le bonheur? Je crois que le bonheur est tout d'abord un encouragement. Un encouragement à accueillir ce bonheur inestimable d'être à Christ. Le bonheur, c'est de recevoir cette parole d'encouragement qui vient à nous dans la réalité de notre présent, même si ce présent est difficile. Le bonheur, c'est de ne pas résister au soupir du Christ qui nous exhorte à mettre à la disposition de l'autre le potentiel, les richesses humaines qu'il a déposées en chacun de nous. Le bonheur, c'est d'aimer ceux qui s'opposent à nous, de faire du bien, de bénir, de prier pour ceux qui nous maudissent et qui nous haïssent. Le bonheur, ce n'est pas d'accepter la violence, mais de présenter à celui qui nous agresse une autre voie que celle de la force. Le bonheur consiste à donner largement, généreusement à celui qui ne pourra jamais nous rendre l'appareil. Le bonheur, c'est de s'adresser à l'autre exactement comme on l'espère pour nous-mêmes, de ne porter aucun jugement, de ne condamner personne, d'offrir à l'autre la possibilité de grandir à travers le pardon. Le bonheur, c'est de puiser dans un cœur qui déborde la motivation pour agir. Alors, je ne sais pas si nous pouvons cocher toutes les cases de ce programme, et nous nous en sentons certainement bien incapables. Alors, comme promis, je vais vous laisser un modèle à suivre, ou plus exactement, une source d'inspiration qui pourrait quelque peu résumer ce que nous avons dit. Soyons pleins de bonté comme notre Père est plein de bonté. Parce que, n'en déplaise à messieurs les banquiers, le bonheur n'est pas dans le prêt, mais dans le don, dans la remise de nos dettes, dans la grâce infinie que nous avons en Jésus-Christ. Amen.